Les rassemblements de masse des provinces du Ping'an du Sud et du Nord, et du Fang'e du Sud et de la ville de Nampo, pour répondre à l'appel des créateurs de l'esprit de Kangwondo adressé aux travailleurs de tout le pays, se sont déroulés respectivement le 9 courant. Y ont pris part les cadres du parti et du pouvoir, des établissements économiques, usines, entreprises, fermes et grandes écoles, les travailleurs et les jeunes étudiants de ces provinces. On y a donné lecture de l'appel, suivi des interventions des représentants des cadres, de la classe ouvrière, des travailleurs agricoles et des intellectuels. Les orateurs ont tous exprimé du soutien absolu à l'appel des auteurs de l'esprit de Kangwondo pour la marche générale et offensive vers la conférence des pionniers de Malima, avec l'esprit de se renforcer soi-même et souligner qu'on doit créer successivement et de façon multipliée les mythes héroïques étonnants dans la marche générale de tout le peuple de cette année, sous la direction de Kim Jong-un, pour célébrer la conférence des pionniers de Malima, qui sera inscrite dans l'histoire d'édification d'une puissance socialiste. Après les interventions, il y a eu le défilé.